والثاني إخلاص العبودية، إخلاص العبودية. ثم ذكر رحمه الله تعالى: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، وذكر المصنف: فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. وعدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص قال هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On va continuer, inshallah. Alors, on s'est arrêté lorsque l'auteur nous a clarifié et arrivé au sujet de la réalisation des adorations. Il dit: pour la réalisation de toute adoration, il faut deux bases essentielles. C'est ce que les savants considèrent comme les deux conditions. Les deux conditions pour l'acceptation des œuvres. Et cela, l'auteur le cite après qu'on ait parlé des différentes catégories face au verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Et donc, on a parlé de quatre catégories face au verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est-à-dire concernant les deux termes « al-ibada » et « al-istihana ». Al-ibada wa al-istihana. Et donc, on a dit dans ces quatre catégories de gens, concernant al-ibada wa al-istihana, ceux qui ont réuni les deux, et c'est ça la voie du sauvetage, qui ont réuni les deux, lahum ibada, indhum ibada wa istihana. Ceux, à l'inverse, qui n'ont aucun des deux, ni ibada wa al-istihana, on avait dit c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ceux qui ont al-ibada bila istihana, mais qui n'ont pas de istihana. Et la dernière et quatrième catégorie, ceux qui ont al-istihana bila ibada, indhum istihana bila ibada. Et donc les quatre catégories que l'auteur a citées. Après que l'auteur ait cité les quatre catégories concernant ou face à l'ibada ou à l'istihana, conformément au verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, après cette faïda, l'auteur dit: wa'lam anna al-'abda la yakun mutahaqqiqan bi'ibadati Allah ta'ala illa bi'aslayni, illa bi'aslayni. Il dit: et sache que le serviteur ne pourra pas réaliser, il ne pourra pas réaliser l'adoration d'Allah si ce n'est avec deux éléments et bases essentielles. Il faut deux choses. C'est ce que les savants considèrent comme shurut qabul al-a'mal, les conditions pour l'acceptation des œuvres. On a dit ça, c'est un sujet qui est immensément important, très important. Pourquoi? C'est le problème de tout croyant et de toute croyante. Le problème de chacun, comme on l'a relaté dans la dernière assise, c'est que tout au long de notre cheminement, notre appréhension et notre peur, notre crainte, c'est que nos œuvres ne soient pas acceptées. Donc on œuvre et personne n'est à l'abri. Et donc ce sentiment, chacun là, le croyant, lui, il n'est pas à l'abri. Donc il craint que son œuvre ne soit pas acceptée. Et c'est pour ça que ça, c'est un enseignement qu'il faut toujours garder en soi, dont il faut toujours se faire le rappel. C'est pour cela que al-ulama yuzakkiruna an-nufus bihadha. C'est pour ça que les savants, ils font le rappel. Ils font le rappel sur ce asl très important. Vous savez, on peut apprendre de grands enseignements dans la jurisprudence, fiqh al-mu'amalat, mais si on n'a pas ces usul là, ces bases là, vous rendez compte, une personne qui œuvre pendant des décennies, et l'auteur va citer donc quatre catégories par rapport à ces deux conditions, alors il faut regarder, comme on a dit, dans quelle catégorie on se trouve. Et si la personne, il œuvre depuis des décennies, et il voit, il se rend compte qu'il n'est pas dans la bonne catégorie, alors il faut à tout prix, il faut à tout prix, annahu yuhasib nafsak wa yataraja, et il faut revenir. C'est très important. Et donc c'est au sol là, il faut les enseigner. Il faut les enseigner, il faut se faire le rappel pour soi-même, mais aussi il faut les enseigner. Donc il dit par rapport à ces deux bases essentielles, on a dit les conditions pour les actions, pour les adorations. Chaque œuvre, chaque adoration, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit basée, fondée sur ces deux choses que l'auteur cite. Al-ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité et le suivi de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi c'est très important? Parce que c'est la réalisation du premier pied de l'islam. Les savants disent que justement, al-ikhlas, c'est la réalisation de notre témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah. Wal mutaba'a, c'est la réalisation de la deuxième attestation de notre témoignage. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. De sorte, on peut dire, certains savants disent, on s'était quitté sur cela hier, la dernière assise, la ilaha illallah bima'na la ma'bouda bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah bima'na la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La ilaha illallah, la ma'abuda bihaqqin illallah. Les savants définissent donc la ilaha illallah, nul adoré véritable si ce n'est Allah, nul ilah, on peut même rester sur le terme en arabe, nul ilah si ce n'est Allah, c'est-à-dire nul adoré véritable si ce n'est Allah. Wa anna Muhammad al-Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, j'atteste que Muhammad la matbu'a bihaqqin illa Rasulallah, qu'il n'y a point de suivi si ce n'est celui du messager d'Allah. C'est le prophète sallam qui doit être suivi. Walihada, et c'est pour cela qu'on voit ce qui s'est passé plus tard avec l'émergence de doctrine dans les premiers siècles de l'islam et ce fléau ensuite qui s'est abattu dans la communauté, ce qu'on appelle at-ta'assub, le fanatisme pour al-mashaykh ou les imams, ça c'était pas les enseignements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leurs successeurs et des grands imams de cette nation. Que ce soit les enseignements de al-fuqaha al-saba'a. Al-fuqaha al-saba'a. Ces grands imams al-fuqaha, ces grands juristes qui sont venus même avant Immat, les quatre grands imams. Il y avait al-fuqaha al-saba'a et qui était de Médina, qui était de Médine. Et les grands imams, ka Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed ibn Hanbal, et d'autres grands imams, comme Laïs ibn Sa'd, il y a Soufiane al-Thawri, il y a Soufiane ibn Uyayna, ou Ishaq ibn Rahawai, et de grands imams de cette nation, tous leur enseignement était de revenir au texte, au nusus, wa tamassuk bi hablillahi azza wa jal, wa tamassuk bi hadi al-rasul sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. De s'attacher au texte et aux enseignements et à la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et donc de ce fait, les grands imams, eux, inculquaient à leurs élèves de ne pas faire prévaloir leur parole sur la parole du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que ça fait partie des implications de la shahada, de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, on ne peut pas faire devancer la parole d'un autre que lui avant sa parole. Et faire prévaloir la parole d'un autre que lui avant sa parole. Pour cela, les adeptes, les fanatiques des imams, par exemple, ceux qui ont été fanatiques de leur madhab, ils n'ont pas compris la shahada. Ils n'ont pas compris que la shahada implique de suivre et de faire prévaloir le hadith et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et ça, c'était l'enseignement des grands imams eux-mêmes. كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. Lorsque le hadith est authentique, ça c'est mon madhab. C'est pour cela que eux-mêmes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ce qu'ils considéraient c'était un nas, le texte. C'est pour cela qu'on trouve parfois des histoires de certains compagnons, lorsqu'un compagnon rapportait sur un sujet un hadith, ou parfois les compagnons divergeaient sur un sujet et un autre compagnon intervenait, il disait « Moi, j'ai entendu le messager d'Allah. » Il disait pas un autre. Il disait « Moi, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire cela. » Et parfois, les compagnons, lorsqu'ils entendaient cela, ils faisaient jurer. « Es-tu sûr que tu as entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Et comme c'est rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, ça c'est vérité du fait qu'il demandait, as-tu vraiment entendu cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à l'époque, il fallait confirmer qu'ils avaient entendu cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ida thabata al-hadith indahum, ou al-hadith indahum. Mais lorsque le hadith pour eux était confirmé, alors c'était sam'a wa ta'a. C'était l'écoute et l'obéissance au récit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour eux, ce qui faisait référence, c'était la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez par exemple à l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'il y a eu la peste, une épidémie qui s'est propagée, et lorsqu'on lui a rapporté le hadith, que lorsqu'il y a une peste, il ne faut pas sortir de l'endroit et ni y aller, il a pris en considération le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez lorsqu'il y a eu le khilaf, la divergence entre Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib, fils de Fatima, radiallahu ta'ala anha, Al-Hassan, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque avec Muawiyah, lorsqu'une partie de croyants à l'époque, eux, après la mort de Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anha, le quatrième calife, eux voulaient porter allégeance à Muawiyah, surtout les gens du Sham, les gens qui étaient au Sham, ils voulaient porter allégeance à Muawiyah. Et beaucoup de gens, d'autres, une fraction de la nation à l'époque, disaient que celui qui était plus en droit au khalifa, à la succession, d'être successeur de Ali ibn Abi Talib, après les quatre califes, c'était Al-Hassan. Pourquoi ? Parce que lui-même était fils de Ali ibn Abi Talib, donc le fils du quatrième calife de l'islam. Et Muawiyah, beaucoup au Sham, eux, étaient d'opinion que c'était Muawiyah qui était plus en droit au califat, du fait qu'il faisait partie des membres et des proches de Uthman ibn Affan, donc le prix, dont le prix du sang n'avait pas été encore payé. Et donc beaucoup au Sham considéraient que Muawiyah était plus en droit au khilafa. Alors, lorsque commençait à s'attiser ou débuta l'attisement d'une fitna, d'un trouble, alors vint Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari vint à Al-Hassan, le petit-fils du prophète Al-Hassan, et lui dit, j'ai certes entendu un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, La'alallah an yusriha bika bayna ta'ifataini azimataini min al-muslimin. Et il lui rapporta une parole du messager d'Allah, en lui disant, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, peut-être qu'Allah, par ton biais, réconciliera entre deux grandes factions, bayna ta'ifatayn azimatayn min al-muslimin, entre deux grandes factions parmi les musulmans. Falamma sami'a hadha al-hadith, al-Hassan, radiallahu ta'ala an, et lorsque al-Hassan, il a entendu ce hadith, qu'Abu Moussa lui a transmis, regardez, al-hadith, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il a délaissé. Il a délaissé le khilafa. Il a laissé pour Muawiyah, radiallahu ta'ala an. Et son droit, il a laissé tanazel, comme on dit. Il a fait cette concession. Et récemment, les grands historiens disent, de sorte que les musulmans ont vécu pendant 20 ans, fil amn, wal aman, ils ont été dans la sécurité, pendant 20 ans sous le règne de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Radiallahu ta'ala an. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan a de grandes vertus. C'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de ses scribes. Il ne fait pas partie des enseignements de nos pieux prédécesseurs de critiquer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui que ce soit parmi les compagnons du prophète. On aime tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada min aqidatina. Et ça, ça fait partie de notre croyance, l'amour des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont critiqué Muawiyah, des livres ont été écrits, ils ont fait couler les plumes sur Muawiyah ibn Abi Sufyan en le critiquant, ensuite en critiquant Daoul al-Umawiyah. Pourquoi ? Parce qu'ensuite va naître ce qu'on appelle l'Empire Omeyyade. Et donc des livres ont été écrits sur l'Empire Omeyyade, de grandes ambiguïtés autour de l'Empire Omeyyade, mais le croyant la yatadakhal fi hadhihi al-umur, mais le croyant ne rentre pas dans cela, il garde le silence sur ce qui a pu se passer. Mais ce qu'on sait, c'est que le comportement des compagnons du prophète, en somme, regardez, Al-Hassan, il a délaissé Al-Khilafa. Alors que c'est le petit-fils du messager d'Allah. Il avait de grandes raisons de pouvoir revendiquer, prétendre au Khilafa. Imaginez-vous, petit-fils du messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a annoncé au paradis. L'a annoncé lui et son frère, maître parmi les jeunes du paradis. Il les a annoncés, lui et le Hussein, parmi les gens du paradis. Donc, petit-fils du messager d'Allah, annonçant au paradis. Il est le fils de la bien-aimée du messager d'Allah, sa fille Fatima, radiallahu ta'ala anha. Il est le fils du quatrième calife, donc du calife précédent. Et donc, il était en droit de prétendre al-khilafa. Lakin tanazal. Il a délaissé cela. Lorsqu'il a entendu un récit, une parole du messager d'Allah. À l'époque, al-khilafa, c'est quoi? C'est pas juste le règne sur une contrée, sur une ville, sur une cité. C'est le règne sur toutes les étendues, sur toutes les contrées musulmanes de l'époque. C'est immense. C'est un règne sur toute la péninsule arabique, sur le Hijaz, sur le Sham, et toutes les contrées musulmanes à l'époque. C'est pas juste sur le règne sur la Mecque ou le règne sur Médine. Mais c'était sur toutes les contrées musulmanes. Lakin tanazala huwa. Radiallahu ta'ala an. Et ça fait partie des vertus de Al-Hassan. Radiallahu ta'ala anha, qu'Allah anhu, qu'Allah l'agré. Lui et son père, wa ahl bayti. Et de ce fait, on voit qu'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui était considéré. Et de ce fait, les compagnons ont été éduqués de la sorte. Et leurs successeurs, leurs élèves ont été éduqués de la sorte. C'est pour ça que vous voyez, regardez, le grand souci qu'ils ont accordé à réunir, compiler les récitations ou les récits, les narrations du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez pu voir dans les premiers siècles. Lorsque nos pieux prédécesseurs voyageaient en quête des chaînes de transmission, en quête des narrations, tout ce qui était rapporté du prophète, mais il fallait le confirmer. Il fallait confirmer que le récit remonte vraiment, ce qui était attribué au prophète, remonte vraiment jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De sorte ensuite, de grands recueils ont été, alhamdulillah, écrits. De grands recueils, de grandes compilations de récits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà dès les premiers siècles. Déjà dès les premiers siècles, comme le Muwatta, l'imam Malik et d'autres. Alors, c'est pour cela que, on revient à notre sujet, les deux conditions pour l'acceptation des œuvres, la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi de la tradition du prophète. Il faut que notre action soit en cohérence et en conformité avec les enseignements du messager d'Allah, de sorte de ne pas rajouter à son ordre et de ne pas diminuer. Et de ne pas, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète nous dit, celui qui rajoute une chose à son ordre, cela est à rejeter. Donc on ne peut pas rajouter. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La religion est complète. On ne peut pas diminuer. On ne peut pas rajouter. Et c'est ça la préciosité et la valeur de cette religion. Et la qiyam sa'a, elle va perdurer. Elle va perdurer, là. Sauf que on avait expliqué qu'à la fin de l'heure, l'heure ne se lèvera que sur Al-Ashrar, les mauvais, les plus mauvais des hommes. Mais sinon, tous les croyants, leur âme sera reprise. De sorte que l'heure ne se lèvera pas sur As-Salihin, sur les vertueux et les croyants. Et donc cette base est essentielle. Donc la première qu'a cité l'auteur, puisqu'il cite, donc il faut deux conditions pour l'acceptation des actions. Al-Ikhlas, la sincérité du culte pour Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, Al-Mutaba'a, le suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc on avait fini hier cette partie. Ensuite, l'auteur nous dit donc il y a quatre catégories de gens par rapport à Al-Ikhlas ou Al-Mutaba'a. Par rapport à Al-Ikhlas ou Al-Mutaba'a. Et donc, la première, c'est ceux qui ont les deux, Et c'est celles-ci dont leurs œuvres sont acceptées, ceux qui ont al-ikhlas wa al-mutaba'a. Wa qala wa ad-darb ath-thani man la ikhlas lahu wa la mutaba'a. Wa ha'ula shirar al-khalq wa hum al-mutazayyinuna bi'a'mal al-khayr yura'una biha an-nas. La deuxième catégorie, il dit, c'est ceux qui n'ont pas de sincérité et ni de mutaba'a, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Wa ha'ula shirar al-khalq. Et il dit, ceux-là sont les pires. Dans ces quatre catégories, ceux-là, shirar al-khalq, des créatures. Wa hum al-mutazayyinuna bi'a'mal al-khayr. Par contre, eux, ils s'embellissent. Ils s'enjolivent. Ils ont quand même une sorte de parure. Ils s'embellissent avec les bonnes actions et les bonnes œuvres. Lakin, l'auteur dit, yura'una biha an-nas. Donc ils font des actions pour s'embellir, mais en réalité, ils les font avec ostentation. Ils font ces actions-là par ostentation. Wa hadha ad-darb yakthuru fi man inharafa 'an as-sirat al-mustaqim min al-muntasibin ila al-fiqh wal-'ilm wal-faqr wal-'ibadah fa innahum yartakibuna al-bid'a wad-dalal war-riya was-sum'ata wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Et ça, c'est un immense rappel, parce qu'il dit, écoutez bien ce que l'auteur dit, il dit, et cette catégorie-là, beaucoup de cette catégorie, je vais vous dire la traduction en termes littéral. Et deuxièmement, il y a ceux qui ne se soumettent à aucun de ces deux fondements, ni à l'ikhlas ni al-mutaba'a, comme on l'a dit précédemment. Ils sont les pires des hommes. Ils se donnent l'apparence d'être pieux pour se montrer devant les gens. Regardez. Par contre, ils se donnent l'apparence d'être pieux, dit l'auteur. Et donc ça, vous avez pu le comprendre que l'auteur, l'imam al-Maqrizi, rahmatullah alayh, là, il s'inspire de la parole d'Ibn Qayyim. Là, c'est tiré des propos de Ibn Qayyim, wallahu a'lam. Il dit, regardez, ils sont les pires des hommes, ils se donnent l'apparence d'être pieux pour se montrer devant les gens. Il dit, cette particularité-là, ça, on a dit, c'est ceux qui la ikhlas wa la mutaba'a. Cette particularité-là se trouve souvent chez eux, ou plutôt chez ceux qui ont dévié du droit chemin dans le milieu. Regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est un grand rappel. Ça fait peur. Il dit, dans le milieu des savants ou chez certains ascètes qui ont renoncé à la richesse, ils sombrent facilement dans l'innovation, l'égarement et l'ostentation. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ikhlas, voilà mutaba'a, c'est-à-dire pas de ikhlas, les œuvres sont faites par ostentation, voilà mutaba'a, donc ils sont dans le bid'a, ils sont dans l'innovation. Wal khurafat, wal dalal. Et il dit que cette catégorie-là, qui est la pire, il dit, malgré tout, ils ont une apparence de pieux. Ils ont l'apparence de la piété. Ils mettent en évidence, ils s'embellissent avec l'apparence de la piété. Mais cette particularité-là se retrouve souvent chez ceux qui ont dévié du droit chemin dans le milieu des savants. C'est ce qu'il dit. Dans le milieu des savants. En arabe, il dit « وَهَدَ دَرْبْ يَكْثُرْ » Ils sont nombreux, il dit, parmi ceux qui sont dans cela, nombreux sont ceux qui ont dévié. Fiman inharafa 'an as-sirat al-mustaqim min al-muntasibin ila al-fiqh. Plus littéralement, il dit, parmi ceux qui s'apparentent. Là, ils ont traduit par les savants, mais plus littéralement, ceux qui s'apparentent, qui s'affilient au fiqh, à la science du fiqh. La science du fiqh. Il dit littéralement aussi, wal-ilmi, qui s'apparente aussi au ilm, à la science, wal-faqri wal-ibada, la pauvreté et l'adoration. La pauvreté, vous savez, c'est ceux qui ont délaissé les richesses et les biens d'ici-bas. Vous savez, il y a une certaine époque, c'est pour ça qu'il y a une certaine époque, beaucoup ont mis en évidence dans les premières générations, c'était une épreuve, et Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, il en parle, les ruses d'Iblis. Et il parle beaucoup, vous avez vu, de Ahl al-Tasawwuf. Il parle beaucoup d'eux. Et à une certaine époque, Iblis a rusé avec eux, les a trompés. De sorte qu'ils mettaient beaucoup en évidence Az-Zuhd, l'ascétisme, traduction relative. Et l'ascétisme, pourquoi? Parce que c'est une caractéristique qu'avaient les compagnons, que eux-mêmes, ils ont pris ça du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, c'est une belle caractéristique. C'est quelque chose qui prouve la foi de l'individu. Dans les premières générations, ils étaient très forts, très fervents dans cela. C'était des zuhad. Vous avez vu, dans la majorité des tarajim al-ulama, les biographies des savants, souvent ils parlent de nahiyat al-suluk, nahiyat al-adab, nahiyat al-ilm, et souvent ils citent ensuite nahiyat al-zuhd. Ils disent, cet imam était imam fi zuhd, par exemple. Par exemple, Ahmed ibn Hanbal, il disait, qu'un imam fi al-hadith, imam fi al-ilm, imam fi al-fiqh, il disait, imam fi zuhd, dans de nombreux domaines, kana imaman, ka ghayrihi min a'immat al-huda, et autres parmi les grands imams de l'Huda. Et donc, observez bien dans les biographies, si vous lisez les livres de biographie, c'est très pertinent et très important de lire les livres de biographie, il y a toujours le domaine et l'aspect de l'ascétisme. Et souvent, de grands savants ils se sont distingués avec leur ascétisme. Sauf que beaucoup de gens de Tassavouf, certaines générations, et Ibn Jawzi en parle, ils disaient, ils sont tombés justement dans l'une des ruses de Iblis. Ils mettaient en évidence Zuhd en... Par exemple, en se revêtissant d'habits, par exemple, parfois troués, mal cousus, décousus, des habits usés, mais c'était pour mettre en évidence Az-Zuhd, l'ascétisme. Et les ulama, raddu alayhim, ils ont dit, le Az-Zuhd, c'est un faux Zuhd. Pourquoi? Eux, ils disaient, copier les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants, ils ont dit, les compagnons du prophète, lorsqu'il est dit qu'ils avaient des vêtements usés, c'était des vrais vêtements usés. Et ils n'avaient pas d'autres. Et ils ne pouvaient pas avoir d'autres. Donc certains compagnons qui avaient des vêtements usés, qui vivaient dans la modestie, dans ces conditions-là, ils ne le faisaient pas exprès, c'était leur vie. Et certains, bien sûr, il est dit, « Talakud dunya », ils avaient divorcé avec cette vie d'ici-bas. Mais certains plus tard, min ahl al-tasawwuf, min al-ghulat, eux ils ont mis en évidence, ils se sont embellis, ils ont pris cette parure du zud, mais eux, c'est eux qui, ils usaient leurs vêtements, ils mettaient volontairement des vêtements usés pour mettre en évidence az-zud, et cela de manière ostentatoire. Et nos pieux prédécesseurs dans l'éducation, étaient très rigoureux dans cela. Très rigoureux dans cela. Lisez Manaqib, les Manaqib d'Al-Hassan al-Basri, écrit aussi par l'imam Ibn al-Jawzi. Allah, cet imam-là, Ibn al-Jawzi, Allah lui a donné, Wallahu a'lam, vraiment, at-tawfiq dans l'écriture, le ta'lif. Il a écrit des choses qui étaient relatées d'Al-Hassan al-Basri, comme il l'a fait aussi pour Ahmed ibn Hanbal et d'autres savants. Et lisez le livre, et même traduit. Sur la biographie de Al-Hassan al-Basri, sur les choses qui sont rapportées de lui. Il est rapporté dans ce livre justement que les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient juste Salat al-Fajr, après la prière du Fajr, quelqu'un qui était assis, avait l'air très fatigué, et qui bâillait, et qui baissait sa tête, presque à somnoler, il lui disait arrête, tu vas faire croire que tu as fait Qiyam al-Layl. Tu vas faire croire aux gens que tu as prié la nuit. Regardez tellement, il est même dit dans le livre que le talab al-ilm, celui qui était fervent dans l'ilm et la lecture des livres et l'apprentissage à l'époque du ilm et qui était un talab al-ilm, son voisin ne le savait pas. Jusqu'à ce qu'il disait que son voisin ne le savait pas. Tellement que ils s'éduquaient et ils inculquaient cela. Les choses, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. La sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est inculqué par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dit que la main droite donne de sorte que la main gauche ne le sait pas. On ne peut pas mieux exprimer le fait que l'adoration soit faite pour Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ils n'ont été ordonnés que de n'adorer Allah Azza wa Jal مخلصين, en toute sincérité, en lui vouant un culte qui est pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un rappel qu'on a besoin. Regardez ce qu'il dit. وَهَوْلَى الْعُلَمَا des siècles précédents. أَتْقَنُوا هَذِهِ الْعُلُومِ. Ils maîtrisaient, Ibn al-Qayyim, ces grands imams ont beaucoup écrit sur le sujet. C'est pour ça que c'est une ni'ma. C'est une ni'ma, c'est vraiment un bienfait qu'on puisse lire ces paroles-là. Parce que surtout nous, dans un temps, cette époque qu'on est en train de vivre, cette époque où la dunya est exposée à nous, on a le rappel de la dunya constamment. Nous-mêmes, ça y est, on est touché, comme on l'a dit dans des assises précédentes, on est touché. Qu'on le veuille ou non, on est impacté, l'amour de cette vie, on veut des biens, on veut de l'argent, on veut bien vivre. Malgré que ce n'est pas interdit. Et Allah peut te donner, tu as le droit. Et si Allah t'a donné, récite. Mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal. Et remercie-le. Donc Allah te donne, ce n'est pas interdit. Allah te donne comme Allah Azza wa Jal peut te priver. Allahu al-Mu'ti. Et juste avant, justement, il y avait une très belle parole de l'auteur. Vous savez, il y a des phrases comme ça qu'il dit. Il faut vraiment méditer. Regardez juste avant, lorsqu'il a parlé de ceux qui ont les deux. À un moment, il dit, mais ceux qui n'ont pas compris l'ikhlas, le problème, il est où? Regardez ce qu'il dit. فَإِنَّهُ لَا يُعَامِلُ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِاللَّهِ وَجَهْلِهِ بِالْخَلْقِ. Pourquoi certains n'ont pas été sincères? Et parfois, on vouait adoration autre que le Créateur. Pourquoi? Ils sont sortis du monothéisme pur. Parce qu'en réalité, لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله. Leur relation avec les gens, avec les autres, leur conviction qu'ils ont eue par rapport à autre qu'Allah Azza wa Jal, c'était par rapport à leur ignorance du Créateur, leur manque de connaissance du Créateur, et aussi leur ignorance, leur manque de connaissance concernant les créatures. De sorte que, si ils savaient que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est Al-Mu'ti ou Al-Mani' Alladhi yadur wa yanfa', celui qui accorde profit, celui qui peut nuire, celui qui donne, celui qui prive, et que lui, la créature, il ne peut point profiter à lui-même, alors en aucun cas il se serait dirigé vers un autre créateur. Mais beaucoup se sont orientés vers un autre que le Créateur, c'était par manque de connaissance de leur Créateur, et s'ils s'orientent vers une créature, c'est par un manque de connaissance de la réalité et la véritable situation de la créature. La véritable situation de la créature. C'est pour ça que cette parole que l'auteur a dit est très pertinente. Al-Muhim, on revient. Donc il dit, dans cette deuxième catégorie, la ikhlas ou la mutaba'a, ils n'ont aucun des deux. Il dit, et bien cette catégorie, elle s'embellit quand même avec les œuvres pieuses. De manière apparente, en apparence, ils sont pieux. Subhanallah. Des vertueux. Ils sont vertueux. Mais il dit, cette apparence-là, c'est pour se montrer devant les gens. Et cette particularité se retrouve chez ceux qui ont dévié du droit chemin et dans beaucoup dans les cercles, dans le milieu des gens du ilm. Il dit, ce qui s'affilie à la jurisprudence au fiqh, chez certains ascètes, comme on l'a dit précédemment, qui ont renoncé à la richesse. Regardez ce que va dire l'auteur. Ils sombrent facilement dans l'innovation. Ils sombrent facilement dans l'égarement et l'ostentation. Ils aiment recevoir des éloges pour des choses qu'ils n'ont pourtant pas faites. Et il dit, le verset suivant fut révélé à l'encontre de ce genre d'individus. Quel verset? C'est le verset ensuite qu'il cite. L'auteur ensuite va citer un verset. « La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bima fazatin min al-'adhab, wa lahum 'adhabun alim. » Une traduction relative du sens du verset, regardez. Dans un verset, une traduction du sens, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont et qui aiment recevoir des éloges pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Vous savez, An-Nafs, elle aime parfois recevoir des compliments, des éloges, être complimenté pour quelque chose qu'on n'a pas fait. On te dit, eh, mashallah, barklofik, parce que pour la chose hier. Mais tu sais que c'est pas toi en vérité. C'est dur à un moment de dire, mon frère, c'est pas moi. C'est dur. Parce que pourquoi c'est dur? Parce que nefs à la base, elle aime être complimentée pour ce qu'elle n'a pas fait. Et celui, justement, qui peut aller à l'encontre de cela, c'est sahib al-ikhlas. C'est celui qui a la sincérité, celui qui est sincère. Et celui qui nous dit cela, c'est le créateur de l'homme. Celui qui connaît l'homme plus que tout. Personne ne connaît l'homme mieux que le créateur de l'homme. Allah Azza wa Jal. Et donc Allah nous dit, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Et ils aiment être complimentés pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et Allah Azza wa Jal, donc après dire, ils aiment recevoir les éloges pour des choses qu'ils n'ont pas faites, ne pense pas qu'ils soient épargnés du châtiment. Ne pense pas. Ils auront plutôt un châtiment douloureux. Et l'auteur dit que, justement, le verset fut révélé à l'encontre de ce genre d'individu. C'est pour cela que ça, c'est un immense rappel que fait l'auteur. Parce que personne n'est à l'abri. Parce que personne n'est à l'abri. Regardez un jour, lorsqu'il, et ça c'est un hadith, lorsqu'on entend ce récit, il fait très, très peur. De sorte que lorsque les gens se sont rendus chez Abu Huraira, en lui demandant « récite-nous un récit que tu as entendu du messager d'Allah », une de ses paroles. Alors lorsqu'il a réfléchi, il allait leur réciter, il est tombé. Il a perdu connaissance. Il s'est relevé. Il a voulu réciter, il a reperdu connaissance à 3 reprises. Et ensuite, il a récité ce célèbre récit, les premiers à attiser le feu. Un savant qui a pris la science parmi eux. Parmi eux. Mais pour que les gens disent cela. Et les dit cela était dit. Celui qui faisait sadaqa, ou celui matar al jihad, il a akhiri. Les 3 catégories. C'est des récits qui font vraiment très peur. Et ça nous fait le rappel. On a besoin de constamment de ce rappel de al-ikhlas. Sallallahu jalla wa ala an yaj'alana min al-mukhlisin. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala ad-darb ath-thalith. La 3e catégorie. Qala man huwa mukhlisun fi a'mali lakinnaha ala ghayri mutaba'ati al-amr. كجهال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله قال ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة أو مواصلة الصوم أو يرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثل ذلك والضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة للمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. Ensuite, l'auteur, regardez, observez dans la 3e catégorie. Qala, la 3e catégorie. Man huwa mukhlisun fi a'mali lakinnaha ala aw lakinnaha ala ghayri mutaba'at al-amr. La 3e catégorie, il y a ceux dont les œuvres sont sincères. Lui, par contre, il est sincère. Mais ses œuvres sont pas conformes et non conformes aux enseignements du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit, c'est le cas des ascètes. Des ascètes, beaucoup d'ascètes, par exemple, qui renoncent à la richesse et tous ceux qui n'adorent pas Allah selon la manière dont Allah veut. Qui n'adorent pas le Créateur comme Allah Azza wa Jal le veut. Il ne suffit pas de l'adorer, dit l'auteur. Il ne suffit pas d'adorer le Créateur. Mais il incombe de l'adorer comme lui le veut et comme il l'entend. Donc adorer, c'est une chose. Mais comment adorer le Créateur ? Il faut l'adorer comme lui le veut. Ala muradillah, on appelle ça. Ala muradillah. Sinon, pourquoi Allah Azza wa Jal anzal al-kutub wa arsal al-rusul ? Pourquoi Allah Azza wa Jal a fait descendre des livres ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres et envoyer des prophètes et des messagers ? Pour nous enseigner comment l'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie-là, l'auteur nous dit, il y a ceux dont les œuvres sont sincères. Eux, ils sont sincères, mais non conformes aux enseignements du prophète. C'est le cas chez les ascètes, qui renoncent à la richesse, et tous ceux qui n'adorent pas Allah selon la manière qu'il veut. Il ne suffit pas de l'adorer, mais il incombe, il dit, de l'adorer comme il l'entend. Certains d'entre eux ne sortent jamais de leur lieu d'isolement. Al-Khalwa. Il parle de l'Khalwa. Ils sont isolés. Mashallah. Isolés pourquoi ? Dans l'adoration du Créateur subhanahu wa ta'ala. Al-Khalwa. Et ça, c'était connu chez les pieux prédécesseurs et chez les grands savants, d'avoir des moments de l'Khalwa, des moments d'isolement, d'être seul avec son Créateur, à méditer, à l'adorer. Mais eux, ils ne font pas comme Allah azza wa jal le veut. Ils l'adorent, mais sans suivre les enseignements et la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De centre, regardez, il dit, certains d'entre eux ne sortent jamais de leur lieu d'isolement. Ils négligent de sorte la prière du vendredi. Shaitan a rusé avec eux. De sorte qu'ils négligent ainsi la prière du vendredi, ils s'imaginent ainsi qu'ils se rapprochent du Créateur. En s'isolant, seul, fil khalwa, et en délaissant salat al-jumu'ah, il pense que c'est une qurba, qu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela. Tout comme le fait de continuer à jeûner la nuit, de jeûner le jour de l'Aïd ou autre. Tout comme le fait, certains pensent que jeûner plus longtemps, même après le coucher du soleil, ils continuent à jeûner une partie de la nuit, ils pensent que plus ils jeûnent, mieux c'est. Et plus ils se rapprochent du Créateur. Plus ils se rapprochent du Créateur. Et ça, c'est de l'excès. Et le prophète, dans le hadith, dit « Man raghiba an sunnati falaysa minni » Celui qui ne désire pas ma sunna, s'écarte de ma sunna, falaysa minni. Il ne fait pas partie des autres. Entre autres, le prophète avait dit cela lorsqu'une personne avait dit « Moi, je vais jeûner sans rompre mon jeûne. » Il pensait se rapprocher du Créateur de cette manière. Et il pensait que c'est cette manière-là que le Créateur accepte, de jeûner tout le temps, sans rompre le jeûne. Et le prophète a dit, moi je jeûne et je rompe le jeûne. Un autre avait dit, moi je me marierai pas. La atazawwadu nisa, je me marierai pas. Et le prophète avait dit, moi je me marie. Vous avez vu ? Et ça fait partie de la sunna, la tradition du prophète. Ensemble, ça c'est l'excès. Halak al-mutadatti'un. Halak. Ceux qui font de l'excès et de l'exagération dans la religion, le prophète ensemble dit, halak. Ils ont péri. C'est pour ça qu'il dit « Iyakum al-ghulu »« Fa'innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu » Faites attention à l'exagération. « Fa'innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu » Pardon. « Al-ghulu » Parce que ceux qui étaient avant vous ont péri à cause de l'exagération. « Iyakum » dit le prophète. « Iyakum » Prenez garde. Faites attention à l'exagération. Et donc, certains, par exagération et délaissement de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors ils pensent se rapprocher du Créateur. Et combien, malheureusement, font des œuvres, ils s'imposent des choses, ils pensent se rapprocher du Créateur, alors qu'en réalité, ils œuvrent en vain. Jusqu'à ce que certains, le Satan, leur a mis dans l'esprit qu'arrivait un moment de leur vie, lorsqu'ils ont atteint un haut niveau de culte et d'adoration, ils pouvaient délaisser l'adoration du Créateur. Parce que ça, ils sont arrivés à un niveau, à un degré d'adoration qu'ils font partie des alliés de l'Aouliya. Certains sont arrivés à penser cela. Et donc, ont délaissé les actes d'adoration et les prescriptions divines. Allah! الذي دعوت وصلاة القيمة محمد الرسول الله والفضل الله أنتون Donc, mais inchallah, on termine le sujet très important. C'est pour ça que les savants nous exhortent à ce qu'on appelle l'atidal, la modération. Ah, l'atidal. Beaucoup, lorsqu'ils sont tombés dans l'excès et l'exagération, ensuite, Shaitan, le diable, Satan, leur a ouvert des portes. Il leur a ouvert des portes. Et beaucoup, en pensant bien faire, en pensant se rapprocher du Créateur, en réalité, se sont énoyés du Créateur. Ce qu'on a cité précédemment, ça c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous lorsqu'un homme a dit « Moi je vais jeûner et ne pas rompre mon jeûne ». C'est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre avait dit « Amma ana fa inni usalli layl abadan ». Un autre avait dit « Moi, je prierai toute la nuit ». Toute la nuit. C'est-à-dire que la nuit ne va pas se reposer. Il ne va pas garder un moment de la nuit, une partie de la nuit pour se reposer et se lever une autre partie de la nuit. Lui il a dit « Toute la nuit, abadan ». وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Et l'autre avait dit moi je vais jeûner sans jamais rompre, et l'autre avait dit moi je me marierai point avec des femmes. Et dans une autre version du récit, il est même dit qu'un aurait dit et moi je ne mangerai pas la viande. لا أكل اللحم. Je ne mangerai pas la viande, fi riwayat wa qala ba'dhum la akulu al-lahm wa kullu hadha min bab at-ta'abbud. Et ça c'était min bab at-ta'abbud. Ça a été dit à titre d'adoration, c'est dans le domaine de l'adoration. Lorsqu'ils ont dit cela, ils étaient bien intentionnés. Eux voulaient le bien. Ils étaient bien intentionnés, comme l'histoire qu'on avait racontée dans les assises précédentes concernant Abdallah ibn Mas'ud à son époque, lorsqu'à son époque, ils ont fait Zikr, l'évocation d'Allah, d'une manière innovée avec des pierres. Et l'homme leur dictait 100 fois ce qu'il devait dire. Alors que les compagnons du prophète étaient déjà vivants, on avait parlé de cela dans des assises précédentes. Donc à l'époque, regardez, ça se passe à l'époque du prophète, sallam. Ils ont dit cela. Et là, le prophète, sallam, leur dit, Antumul ladhina qultum kada wa kada. C'est vous qui avez dit cela et cela. Lorsqu'il a entendu cela, le prophète, Amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum. Lahu. Et le prophète leur dit par Allah, je suis celui parmi vous qui craint le plus le Créateur. Wa atqakum lahu. Et je suis celui qui a plus de taqwa parmi vous. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa. Mais le prophète a dit, mais moi, je jeûne et rompe mon jeûne. Je prie et dors. Et je me marie. Les femmes, faman raghiba an sunnati. Falaysa minni. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui est rapporté, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant, parce que Shaitan parfois te fait tomber dans l'excès, en pensant que par cela tu te rapproches du Créateur. C'est pour ça que pourquoi le croyant a besoin de connaissance, de connaître sa religion. Pourquoi? Parce que lorsque Shaitan est en train de ruser avec lui, essaye de le duper et de le tromper, il arrive à percevoir que là, Shaitan, il joue avec lui. Sauf que ça, c'est constant. Ne pensez pas que il va te laisser un mois, deux mois, trois mois, six mois, il revient l'année prochaine. C'est constant. Si il essaye de te duper, il ruse avec toi, et tu as saisi la ruse, il va trouver une autre. Et comme cela, enfin, sahib al-ilm, lui, il va déceler cela. Mais parfois, même nous, parfois, avec un peu de connaissance, parfois, on ne voit pas la ruse. Et on est tombé. Elle a fait le fitnati saqatu. Ils sont tombés. Et parfois, on tombe dans ces pièges. Regardez dans un récit. Il est rapporté dans un récit. Inna hada ad-din matin. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. Il est dit dans un récit, cette religion est matine, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une religion solide, une traduction relative. Fa'auril fihi birrifq. Agis avec douceur. Agis avec douceur. Et ne fais pas détester l'adoration à ton âme, à ton être. Pourquoi ? Ensuite, il va citer l'exemple d'un voyageur. D'un voyageur, parfois, qui, avec sa monture, il a tellement été dur avec sa rahila, avec sa monture, qu'à la fin, sa monture, elle ne pourra pas. Tellement il a été dur, il lui a imposé à sa monture, à la fin, sa monture, elle va mourir. Et donc, ni il n'aura fait son chemin, il va rester de la masafa, maqata, il n'a pas fait le chemin, il ne va pas pouvoir continuer. Et ensuite, personne ne pourra rester sur le dos de la monture. Personne ne pourra rester sur le dos de la monture. Pourquoi ? Parce qu'il a été trop dur avec la monture. Donc il ne pourra pas terminer le voyage. Il ne pourra pas terminer le voyage. Had al-hadith, ce hadith-là, il est rapporté par le Bayhaqi, et certains savants le considèrent comme daif, comme un hadith faible. Sauf la première partie. La première partie, lorsqu'il est dit « Inna hadha ad-din matin ». Certes, cette religion est une religion matin, forte, solide, en quelque sorte. « Fa'auril fihi barifq ». Cette première partie-là, Cheikh al-Albani la juge bonne, la juge authentique. Mais les savants, pourquoi on cite ce hadith-là ? Parce que les savants disent de toute manière, ce hadith-là, ensuite, est lu, on peut lire à la place un autre hadith célèbre. Un autre hadith célèbre, authentique, célèbre, connu, « Inna ad-dina yusr ». La religion est facilité. Il n'y a pas une personne qui va sévère et rude dans cela, il la ralaba, sans qu'il sera vaincu. Sans qu'il sera vaincu. C'est pour cela, alayna bil ilm. Alayna bil ilm wa iyyakum. Wal ghulu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de connaissances. Il faut la connaissance, il faut connaître son créateur, il faut connaître l'enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Parce que parfois, on pense bien faire, mais parfois, on ne s'en rend pas compte, on est dans l'excès. Par exemple, parfois, on pense bien faire dans tahzir, dans mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Alors parfois, on ne se passe pas salam. On se met en garde les uns les autres. Et on pense à Adam in bab tamassouk bis sunnah. On pense que ça rentre dans le domaine de l'attachement à la sunnah. Alors la personne, il commence à regarder tous ses frères, à être suspicieux de tous ses frères. Tout ce qu'il dit est observé. Tout ce qui va être dit, c'est de la bid'ah. C'est de l'innovation. Et parfois, il ne va pas passer salam à ses frères en se disant « Gada indo khata, indo ralat » parce que celui-ci a une erreur ou il a commis une erreur. Alors, il ne va pas lui passer salam. Et lui, il pense qu'il est dans le bien. Il pense que ça fait partie le fait de mettre en quarantaine et d'éviter l'innovateur. Alors qu'en réalité, il est en train de commettre un mal. Et ensuite, il y a « Takallam » ou « Yamshi bin Namima » Ensuite, il colporte des paroles sur telle personne et sur telle personne. Il fait de namima, il fait de la calomnie. Et lui, il pense que c'est bien. Il pense que c'est minbab, at-tahdhir min al-bid'a wa ahli al-bid'a. Il pense que c'est mettre en garde contre les innovateurs. Jusqu'à ce qu'ils en arrivent, ils en arrivent à la fin à parler sur l'ulama ou al-mashayikh, à parler sur des alliés d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'ils en arrivent à brûler les livres des ulama de la sunna. Ils vont te dire, à l'époque, ça s'est fait, avec Al al-Bidah, avec les gens de l'innovation. Et ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah. Vous savez, il y a une parole d'un, et on va se quitter sur ça, c'est une parole de Saïd ibn Jubayr, qui est rapporté à son actif. Il faisait partie des grands pieux prédécesseurs. Il est rapporté qu'il dit, il va arriver le jour de la résurrection, de la rétribution, les gens qui seront ressuscités, ils verront leur registre de bonnes actions. Ils verront leurs bonnes œuvres. Et lorsqu'ils vont regarder leurs bonnes œuvres, ils verront qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas leur prière. Il n'y a pas leur prière. Alors ils vont regarder Il n'y a pas leur prière. Ils vont regarder. Ils sont leur prière. Et lorsqu'ils vont. Mais ils vont voir d'autres œuvres. Mais la prière et d'autres œuvres, il n'y a pas. Alors, stupéfaits, ils vont dire, allez où ma prière? Lorsqu'ils vont demander où est leur prière, ils vont dire, bah, en fait, il n'y a plus de prière. Bisabab al-riba wa namima. Et le mal qu'ils ont fait. Ça a été pris. Puisque lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on fait des injustices, alors faudra payer toute injustice. Faudra payer toute injustice. Donc on va payer avec les bonnes actions. Jusqu'à ce que la personne, il lui reste plus de bonnes actions. Et donc la personne, il cherchera des bonnes actions, mais il les a perdues bêtement. Quel est le cas al-kalam fi ahli al-ilm ou al-kalam fi talabat al-ilm ou al-kalam fi du'at al-tawhid? Quel est le cas? Alors que beaucoup qui tombent dans cette ruse de Iblis, madarasu, ils n'ont pas étudié. Ils ne sont pas restés des années avec des ulamas. Walam yat'abu ma'a al-ulama. Et se sont pas fatigués. Et ni ils ont voyagé, ni ils ont dépensé de leur argent, ni ils ont fait tout ça pour apprendre le ilm. Lakin, lui, de son fauteuil, de chez lui, de son écran, il pense qu'il est meilleur que al-shirfulad. Ou al-shirfulad. Il pense qu'il est meilleur que al-ulama. Ceux que ça fait 30, 40 ans, 50 ans qu'ils sont fi l'ilm, ou fi taqwa. Pour terminer, n'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, certains savants, on les entend pas? Certains grands ulama connus, célèbres, on les entend pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est célèbre, lorsque vous lisez la biographie des ulama, arrivé un moment à la fin de leur vie, il y a Atazilun. Elle est Atizel. Certains se disent, mais pourquoi Sheikh là, il parle plus? Tel savant, on l'entend plus. Il parlera pas. Il a donné ses conseils. Lakin, à un moment donné, il y a Atazilun. Et Atizalan. Ils sont fi khalwa. Fi ibadatillahi azza wa jal. Yantaziruna al-ajal. Ils attendent l'ajal. وهذا كان حال الامام السيوطي. سابيل امام السيوطي لو غران امام السيوطي صاحب التفسير كتاب الجلال تفسير الجلالين عموده ils ont parlé sur l'imam Suyuti. الناس تكلموا فيه وطعنوا في الامام السيوطي عموده اعتزل في اخر حياته اعتزل الناس. Il s'est isolé des gens, même les gens venaient à lui pour s'excuser. اعتزل. Et ensuite il a écrit de grands livres. Ils ont même parlé sur l'imam al-Bukhari. C'était une grande épreuve. Jusqu'à même que l'imam al-Bukhari, il a invoqué Allah azza wa jal, en disant, si la mort est préférable pour moi, il y a Allah. Il a invoqué Allah de cette manière. Et de grands imams comme cela. Mais si vous regardez dans les biographies, à la fin de leur vie, ya'tazilun. Ils s'isolent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils attendent leur délai. Et vous voyez des gens chez eux, dans la désobéissance à Allah, ils ont du mal à se lever déjà pour salat, al-fajr. Et il y en a, il ne l'a pris pas jusqu'après le lever du soleil. Il est devant son écran, shir fulen, c'est pas bon. Tel shir, c'est pas bon. Un tel, c'est pas bon. Wa fulen, c'est pas bon. Et il perturbe tout le monde. Et ça, c'est une porte que Iblis a ouverte. C'est une porte, et eux pensent bien faire. Et pense se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, il est dit qu'on pense se rapprocher d'Allah, alors qu'en réalité, on s'éloigne de lui. Fadassallah, jalla wa ala, assalamata wa la'afiyya, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu.